Alors on a fait. Non, les baffes ont volé. Non. Et donc c'est qui? Laurette Pontelis nous a très gentiment reçu avec 12 choses, etc. Alors je ne parlerai pas à sa place. J'ai fait. Il y a quand même, il faut de grands efforts pour comment dire, mettre fin au torrent de parole d'une femme ou d'un homme politique en général. Bon voilà, ils font plein de trucs pour nous et tout ça. Voilà. On a remis cette lettre. On leur a dit qu'on va chercher ce lundi à 12h30 et nous sommes restés fermes là-dessus. Et voilà. Alors, je vous propose de continuer et d'aller rencontrer un adversaire d'une taille. En fait, je ne sais pas quelle est sa taille à ce mec d'ailleurs. Pardon. D'un autre genre. Hein, un administratif, ça, c'est redoutable, les administratifs. Allez. Ouais. On y va ou on reste là? Non, on y va. Alors, on y va. De l'autre côté. Lorette va sortir. Hein.